prit le chemin de sa boutique. Moi qui, précisément, usais mon crédit pour faire confier à cette remarie le soin des horloges publiques. J'attends de votre arrêt l'excès de mon malheur. Vous félicitez sans pareil. Seigneur, excusez-moi. Chez les déménageurs.